Saint François d'Assise, la légende des trois compagnons, Arvet Barine, chapitre 2. Comment il fut captif à Pérouse, et des deux visions qu'il eut quand il voulut être fait chevalier. En ce temps, la guerre étant survenue entre Assise et Pérouse, François fut pris avec beaucoup de ses concitoyens et emmené captif à Pérouse. Comme il était d'habitude noble, il fut placé avec les chevaliers prisonniers. Un jour, comme ceux-ci se lamentaient de leur captivité, lui qui était naturellement d'humeur gaie et joyeuse n'avait pas du tout l'air de s'attrister, mais plutôt de s'amuser. L'un d'eux lui reprocha de se conduire comme un insensé, puisqu'il semblait se réjouir d'être emprisonné. À quoi François répondit vivement : « Que pensez-vous donc de moi ? Un jour je serai adoré dans le monde entier. » L'un des chevaliers avec lesquels il avait été placé ayant fait injure à un autre, tous voulaient s'éloigner de lui. Seul, François ne refusa pas de lui tenir compagnie et engagea même les autres à en faire autant. Au bout d'un an, la paix fut faite entre les deux cités et François retourna à Assise avec ses compagnons. Quelques années plus tard, un noble d'Assise prépara une expédition militaire pour aller en Pouille, gagner de l'argent ou de la gloire. François désira aller avec lui, et voulant être fait chevalier par un certain comte nommé Gentil, il se prépara de riches vêtements, car il était moins riche que son concitoyen, mais beaucoup plus porté à la dépense. Après qu'il eut donné tous ses soins à ses préparatifs, il se consumait du désir de se mettre en route. Or, une nuit, Dieu le visita et l'éleva dans une vision au fait de cette gloire qu'il souhaitait si ardemment. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, il lui apparut quelqu'un qui l'appela par son nom et le conduisit dans un grand et beau palais tout rempli d'armes, de boucliers resplendissants et d'autres appareils militaires, pendus aux murs et propres à équiper des soldats. Joyeux et étonné, il demanda à qui appartenaient ces armes si brillantes, et ce palais si beau. Et il lui fut répondu que les armes et le palais étaient à lui et à ses soldats. Le matin, il se réveilla l'esprit joyeux, se figurant, en homme du siècle que n'avait pas encore pénétré le souffle de Dieu, qu'il allait devenir un prince magnifique. Considérant cette vision comme un présage de grandeur, il résolut de se rendre en Pouille pour y être fait chevalier par le comte dont il a été parlé. Il était beaucoup plus gai que d'habitude, et comme on lui demandait d'où lui venait cette gaieté, il répondit « Je sais que je deviendrai un grand prince. » Or, le jour précédent, il avait donné une marque de grande libéralité et de noblesse de cœur, et l'on croit que ce fut là pour une grande part la cause de la vision même. Car il avait donné à un chevalier pauvre tous ses vêtements, qui venaient d'être faits avec une élégance recherchée et à grands frais. Ayant repris sa route vers la Pouille, il arriva jusqu'à Spolète, et là il tomba malade. Il continuait cependant à se préoccuper de son voyage. S'étant endormi, puis à moitié réveillé, il entendit une voix qui lui demandait où il comptait aller. François expliqua tout son projet. La voix reprit : Qui peut te faire le plus de bien, le Seigneur ou le serviteur ? Le Seigneur, répondit-il. Pourquoi donc, dit la voix, abandonnes-tu le Seigneur pour le serviteur, et le Maître pour celui qui dépend de lui ? Et François demanda : Que veux-tu que je fasse, Seigneur ? Retourne dans ton pays, dit la voix, et là il te sera dit ce que tu as à faire. Car la vision que tu as eue doit être interprétée autrement que tu ne l'as fait. Alors s'éveillant, il se mit à réfléchir profondément. Et tandis qu'après sa première vision, il avait été mis presque hors de lui-même, à force de joie, par l'espérance de grandeur temporelle, cette fois-là, il se recueillit, et se plongea dans la méditation, si bien qu'il ne put dormir de toute la nuit. Et le matin, il prit en hâte le chemin d'Assise, tout plein de joie et d'allégresse, attendant que le Seigneur, qui lui avait envoyé ses visions, lui fit connaître sa volonté et l'inspira pour le mieux en vue de son salut. Mais déjà ses intentions étaient changées, et il ne songeait plus à aller dans la pouille, résolu de se conformer à la volonté divine. Mark M. Dan, archive.org. D'après la numérisation de l'Université de Toronto, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.